Tout conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de 2 ans, auteur d'une infraction grave ayant donné lieu à une perte d'au moins 4 points, est tenu de suivre une formation spécifique de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 3 mois. Ce stage payant est à la charge du conducteur et le dispense d'une amende. Réponse B et C.